Ce panneau indique un chemin obligatoire pour les cavaliers. Les autres usagers n'ont pas le droit de l'emprunter ni de s'y arrêter.